بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة إبراهيم. سورة إبراهيم في المسألة 97 في قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان. Donc là on est dans sourate Ibrahim, dans la 97e mas'ala, dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit que la mort lui vient de toutes parts. La mort lui vient de toutes parts, c'est-à-dire fi jahannam. Verset 17. قال يفهم من ظاهره موت الكافر في النار وقوله وما هو بميت يصرح بنفي ذلك. Donc on comprend par la parole de ce verset, on comprend que le kafir meurt dans le feu. Et par contre, ça part dans le sens où il dit, mais qu'il ne meurt pas. Verset 14 d'Ibrahim nous démontre le contraire de cela. Donc là, on a comme un tanako, d'une contradiction. Et on sait qu'également que les gens dans le feu ne meurent pas. La yamutu fiha wa la yahya. Qala wal jawabu anna ma'na ya'tihi al maut ay asbabuhu المقتضية له عادة إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة. Donc la réponse tout simplement, quand lorsqu'on dit que la mort lui vient de toutes parts, c'est-à-dire les causes qui à la base impliquent la mort, des causes qui amènent à la mort, hormis le fait que Allah a retenu son âme dans son corps pour ne pas qu'il meure, c'est-à-dire qu'il lui arrive des choses qui normalement causent la mort, qui ordinairement cause la mort, comme la brûlure, d'accord, le feu, ça te brûle, et ça tue, et malgré cela, Allah fait en sorte qu'il ne meure pas. Donc ça, c'est le sens voulu par ce verset-là. Qu'il est atteint par les causes qui, à la base, causent la mort, mais que lui ne meure pas, que Allah fait en sorte qu'il ne meure pas. Comme à Allah Azza wa Jal, « La yugda alayhim fayamutu » Et bien que eux souhaitent qu'on les tue pour la souffrance qu'ils endurent, mais malgré cela, leur châtiment sera éternel. Ils ne feront que subir. Et cela sans fin. Wal'a'adhu billah. Naam. Hadha wa ma'na qawlihi ta'ala. Fi hadhihi al-aya. Fa naktafi bi hadha al-qadr. Walhamdu lillahi rabbil alamin.